À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, la maison d'édition Près le Parti du Travail de Corée a publié le tome 1 de l'édition supplémentaire des œuvres complètes de Kim Il-sung, collection des idées du Juche et de l'idée de Sun-gun, qui synthétise systématiquement et intégralement par ordre chronologique les œuvres classiques du grand homme. Le tome 1 comprend 96 œuvres comme discours historiques, conclusions et entretiens faits par le président Kim Il-sung depuis le mois d'octobre de l'an 15 du Juche 1926 jusqu'en février de l'an 22 du Juche 1933.